Chacun a peur, on n'a rien dit. Chacun a vécu comme il a pu. Chacun était esclave ou maître. Chacun a été condamné au bourreau. Chacun a été le bien ou le mal. Chacun a crié et a été déçu. Chacun a voulu ou n'a pas eu. Chacun est son contraire. Chacun son point de vue. Et l'imparfait est peut-être plus aimé que le parfait. Le peu de liberté, et croyez-moi, c'est sûr, j'ai envie de les tuer. Ces paysans fachos avec leurs gros tracteurs se prennent pour des canards. Aussi au perché, pense que tout leur est dû. C'est eux la priorité, comme les putains de chasseurs qui m'y tuent. Ne tue pas pour se nourrir, simplement pour se faire plaisir. De voir souffrir les bêtes. Et que là, qu'ils ont de la supériorité, car personne ne respecte en vrai. C'est des grosses merdes, c'est des grosses merdes, c'est des grosses merdes. Quand ils se sont traversés, car souvent venaient, alors ils se vont. Paysans, chasseurs, pêcheurs, militaires, policiers, tueurs de femmes, c'est vous les femmes. Tuez, tuez, tuez, tuez le faible. Sans prendre facile avec des gros moyens. Et être dans son droit. Enculé, enculé, enculé, te voilà. qu'une faute ne m'ait pardonné. Je suis puni d'exister. Je suis seul à qui parler. Je suis prisonnier de ma vie ainsi que le lieu, cet endroit ici. Je voudrais savoir quand tout cela finit. Serait-ce beau de croire au paradis? Aucun dysfonctionnement ne m'est permis. Soyez formé mentalement aussi. Quand tous me détestent, la bravoure du combattant a le temps de pleurer sur son sort. Ne montre pas les failles, ne laisse pas deviner tes faiblesses. Pas de sentiments, c'est pour les faits. Aucun privilège, douche froide, et contemple ce qui te reste dans le feu homogène. Je finis de brûler, c'était l'enfer par ici. J'aurais dû mouiller ma nuque avant de plonger dans les flammes. J'aurais dû m'oublier avant d'être. J'aurais dû m'exiler du pays qui m'a vu naître. Je ne suis plus rien. Et toi, à qui j'écris ces mots, je ne t'ai jamais trouvé. Je n'ai que marché sur les routes qui m'attendaient. Je ne les ai pas mordus. J'ai pourtant voulu éviter le trafic. Mais les voies qui s'ouvraient étaient sans issue. Tragique. Ces numéros qui n'ont pas donné suite, ces appels à se résoudre à la solitude des corps, insuffisamment proscrits avec eux aux analphabètes, des sentiments éteints, contraindre à l'abandonner, des solstices abandonnés, un avenir glorieux. Si cela est envisageable, du moins l'illusionner, comme savonner le parquet pour un futur distrait. Peut-on remettre les choses en place avant de surgir de nulle part? Sans l'idée préconçue du modèle, sans l'idée préconçue du mental, sans l'idée, sans l'idée, sans l'idée, sans l'idée.